Le toit, heureusement, était vaste et de pente douce. On y montait par une fenêtre à tabatière, au-dessus de laquelle se trouvait une sorte de plateforme. Ce fut là que tout notre monde se réfugia. Les femmes s'étaient assises. Les hommes allaient tenter des reconnaissances sur les tuiles, jusqu'aux grandes cheminées qui se dressaient au debout de la toiture. Moi, appuyé à la lucarne par où nous étions sortis, j'interrogeais les quatre points de l'horizon. « Des secours ne peuvent manquer d'arriver, » disais-je bravement. « Les gens de Saint-Ain, on débarque, ils vont passer par ici. Tenez là-bas, n'est-ce pas une lanterne sur l'eau ?» Mais personne ne me répondait. Pierre, sans trop savoir ce qu'il faisait, avait allumé sa pipe et il fumait si rudement qu'à chaque bouffée, il crachait des bouts de tuyaux. Jacques et Cyprien regardaient au loin, la face morne, tandis que Gaspard, serrant les poings, continuait de tourner sur le toit comme s'il eût cherché une issue. À nos pieds, les femmes, en tas, muettes, grelottantes, se cachaient la face pour ne plus voir. Pourtant, Rose leva la tête, jeta un coup d'œil autour d'elle en demandant « Et les servantes, où sont-elles? Pourquoi ne montent-elles pas ?» J'évitais de répondre. Elle m'interrogea alors directement, les yeux sur les miens. « Où donc sont les servantes ?» Je me détournai, ne pouvant mentir, et je sentis ce froid de la mort qui m'avait déjà effleuré passer sur nos femmes et sur nos chères filles. Elles avaient compris. Marie se leva toute droite, eut un gros soupir, puis s'abattit, prise d'une crise de larmes. Aimée tenait serrée dans ses jupes ses deux enfants, qu'elle cachait comme pour les défendre. Véronique, la face entre les mains, ne bougeait plus. Tante Agathe elle-même, toute pâle, faisait de grands signes de croix, en balbutiant des patères et des avés.